Pokémon légendaire dans tes oreilles. Pour être vivant, tu tapes un speed au milieu des golems sous l'averse. Tu ne la reverras pas, ça te hante déjà. Tu feras un bac dans la commu pour oublier sagement. Tu peux ressentir mille fois ça, disait Benji le chaman, en fumant sa substantia venue de l'au-delà. Pas dans le délire méta, ni dans le complot maximal. Ça tape des drifts en cabessa. C'est vrai que cette société de schlag est rabaissante. La prise de distance n'est pas celle qu'elle devrait. Elle détourne tes priorités dans la copropriété. À peine arrivée à l'étage, Pierrot dit qu'elle est en bas. Tu dévales les marches comme un évadé de marchand. T'as peur des signes qu'elle ne t'envoie pas. Elle a des projets, des projets de femme. Elle a le sens des priorités. Priorité, priorité. En dépit d'eux, tu n'as pas de situation. Que comptes-tu lui offrir? Ouvre les yeux, petit Toulousain. Tu as manqué ta chance. T'es pas dans la partie, ça peut être Codex ou Ouija. Les esprits s'en mêlent, mais tu es pris dans son aura. Elle est cette femme que tu ne vois pas, un peu comme Aurora. Elle éternise ton enfance par un échantillon rimbaldien. Au dos de la plage de Valandré, pratiquant de prosopopée, par le biais de la poposée, deux univers superposés. Tu n'oses rien lui proposer, le MP c'est la mort de l'instinct. Le monde autour est en déclin, pas de main qu'on met du Philippe-Plein. Et elle en a conscience, les toupies dansent, les aiguilles tournent. Mais au fond le temps s'efface, tu veux laisser une trace. Mais piégée par le RSA, elle te prend dans ses bras et t'appelle mon petit. Le rage de la friendzone pour un nazi du love. T'as peur des signes qu'elle ne t'envoie pas. Elle a des projets de femme.